Bohémiens en voyage. La tribu prophétique aux prunelles ardentes, hier s'est mise en route, emportant ses petits sur son dos, ou livrant à leurs fiers appétits le trésor toujours prêt des mamelles pendantes. Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes, le long des chariots où les leurs sont blottis, promenant sur le ciel des yeux appesantis par le morne regret des chimères absentes. Du fond de son réduit sablonneux, le grillon les regardant passer redouble sa chanson. Si belle qui les aime, augmente ses verdures, fait couler le rocher et fleurir le désert devant ces voyageurs pour lesquels est ouvert l'empire familier des ténèbres futures.